C'était mon quartier autrefois. Plus rien n'existe, tout a changé. Même ma rue, je ne la retrouve plus. On a dû reconstruire dessus des fenêtres aveugles un peu partout, derrière lesquelles on s'abrutit. Un verre de rouge et on oublie. L'amour réduit à un seul geste, même pas l'amour, ce qu'il en reste. Et puis le matin nettoie tout, le grand balai des banlieusards, la bousculade sur les trottoirs, et pas un mot n'est échangé. Y a ces cités, y a ces cités maudites que tout le monde veut quitter. Y a ces cités et puis les villes hostiles, hostiles et habitées. Ces villes sont des ruines neuves, bardées comme des voitures volées. Les solitudes, on ne les compte plus, elles s'agglutinent sous les feux rouges. Quand un homme tombe, personne ne bouge, on suit le mouvement des cohues. Personne ne fait plus attention, un homme assis avec son chien. Je passe devant et je ne vois rien. Y a ces cités, y a ces cités maudites que tout le monde veut quitter. Y a ces cités et puis les villes hostiles, hostiles et habitées. Ces villes sont des ruines neuves, fardées comme des voitures volées. Y a ces cités, toutes ces cités maudites que tout le monde veut quitter. Y a ces cités et puis les villes hostiles, hostiles et habitées. Ces villes sont des ruines neuves, fardées comme des voitures volées.